بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. L'auteur dit رحمة الله عليه باب حكم الدين. Le chapitre concernant les règles de la dette. Donc ce chapitre-là, de manière générale, il s'appuie sur l'ijtihad, hein, sur l'effort des savants, car il n'y a pas de verset ou de hadith du prophète alayhi salat wa salam traitant directement de la dette en lien avec la zakat. Donc il y a d'autres chapitres où on étudie la dette, hein, les règles de la dette, comment est-ce que on contracte une dette, les témoins, etc., qui doivent assister, est-ce qu'on est obligé de l'écrire sur papier, on n'est pas obligé. Tout cela, ça s'étudie dans un autre chapitre consacré au dayn, à la dette. Mais ici, c'est dans le chapitre de la zakat que l'auteur parle de la dette. Donc c'est pour développer les conséquences de la dette, l'impact qu'a la dette sur la zakat. Donc on n'a pas de texte directement en lien avec la dette en rapport avec la zakat. Donc c'est une porte qui de manière générale s'appuie sur l'ijtihad, sur l'effort d'extraction des statuts des savants rahimahumullah. Pour ça qu'on verra qu'il y a pas mal de divergences, donc on essaiera de rester simple, bi'idhnillah azza wa jalla, et on ne sortira de la parole de l'auteur que si besoin est. Donc il dit « Babu hukmi d-dayn ». Donc « ad-dayn », la dette, elle a plusieurs, il y a plusieurs illustrations possibles. Donc on va d'abord parler de celui qui a... Ici, on va parler de pas celui qui a une dette pour l'instant, mais de celui qui a prêté, hein, de l'argent. Donc, celui qui a prêté de l'argent, il y a plusieurs cas. Le premier, c'est qu'il espère que celui à qui il lui a prêté cet argent, hein, le rende, que ce soit tout de suite ou que ce soit plus tard. Et ça va être un premier cas que le shir va développer à travers son texte. Deuxième cas, c'est l'argent qui a été prêté à une personne et dont on n'espère plus, hein, récupérer cet argent. Et suivant ces deux cas-là, hein, il y aura donc des statuts qui seront spécifiques. Et ensuite, à la fin de l'épître, hein, il va nous parler de celui qui a des dettes. Celui qui a des dettes. Donc en arabe, on dit « men lahu dayn ». Quand vous entendez « men lahu dayn », c'est-à-dire c'est « il attend qu'on lui donne de l'argent ».« Wa men alayhi dayn », c'est-à-dire c'est lui qui a une dette envers quelqu'un. Quand on dit « men lahu dayn », c'est-à-dire que la dette, elle est en sa faveur, c'est-à-dire qu'il attend de l'argent d'autrui. « Wa men alayhi dayn », c'est celui qui est responsable de rembourser de l'argent à autrui. Donc l'imam dit, rahmatullah alayhi ibn Qudama, il dit « wa men kana lahu daynun ala mali'in ». ومن كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينه والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه. Donc ici il est en train d'illustrer différents cas où j'attends de l'argent d'autrui et c'est un argent donc que je n'ai pas dans mes mains mais qui en réalité a le statut de l'argent présent car je peux le récupérer quand je veux. C'est ça qu'il faut retenir de ces différents cas. وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى مَلِيٍ. Celui donc qui attend de l'argent d'une personne riche, hein, d'une personne qui a des largesses et qui peut lui rendre n'importe quand. أَوْ مَالٌ يُمْكِنُ خَلَاصُ. Ou bien un argent qu'il peut récupérer quand il veut. كَالْمَجْحُودِ الَّذِي لَهُ بِهِ بَيْنَا. Il dit par exemple comme donc l'argent que quelqu'un réfute te devoir. Mais tu as une preuve contre cette personne qui démontre qu'en réalité il a une dette envers toi. وَالْمَغْصُوبِ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مِنْ أَخْذِهِ. Et l'argent volé que tu peux récupérer. Il a été volé par quelqu'un, mais qui est dans une situation où tu peux récupérer cet argent. Il dit « fa'alayhi zakatuhu idha qabada ». Donc dans ces différents cas-là, hein, tu dois sortir la zakat lorsque tu le récupères. L'imam ada, tu dois sortir la zakat pour cet argent de toutes les années qui sont passées. De toutes les années qui sont passées. Donc tu prêtes de l'argent à quelqu'un qui peut te le rendre n'importe quand. C'est quelqu'un qui est dans les largesses. Qui est dans les largesses. Lorsqu'il te le rend, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, tu sors la zakat de toutes les périodes qui sont passées. Donc en termes d'années. Si tu l'auras au bout de 2 mois, bah, il n'y a pas un an qui s'est écoulé. Si tu l'auras au bout de 3 mois, encore il n'y a pas un an qui s'est écoulé. Si tu l'auras au bout d'un an, tu dois sortir la zakat pour 1 an. Si c'est au bout de 2 ans, pour 2 ans. Si c'est au bout de 10 ans, pour 10 ans. Donc il dit, فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ إِذَا قَبَدَهُ. Il doit sortir la zakat lorsqu'il le récupère, l'imamada, pour toutes les années, donc tout, pour toutes les années passées. Donc ici, les savants, ils disent, donc c'est notamment la parole dans le madhhab al-Hanbali, dans les kobh Hanbali, que tu n'es pas obligé de sortir cet argent hein, pour chaque année, à chaque année, je veux dire. Tu n'es pas obligé de sortir ta zakat à chaque année. Donc si la personne, tu lui as prêté de l'argent et qu'il met 4 ans à te le rendre, alors qu'il pouvait te le rendre tout de suite, est-ce que tu es obligé de sortir à chaque année les 2,5% de cet argent qu'il a? Alors, si tu n'as que cet argent, vous me comprenez quand je dis de cet argent-là, parce que si tu as d'autres argent, tu dois ajouter cet argent à l'autre et sortir 2,5% du total. Donc est-ce que tu dois sortir 2,5% de cet argent-là au bout d'un an, puis au bout de 2 ans, puis au bout de 3 ans, puis au bout de 4 ans, ou bien attendre à la fin des 4 années pour sortir 4 ans de zakat? Dans le madhhab, ça t'est permis de sortir donc les 4 années de zakat lorsque tu les récupères. Pour d'autres savants, tu dois sortir chaque année. Et le mieux, Allah a'lam, c'est de sortir chaque année. Mais dans le madhhab, tu n'es pas obligé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'argent présent de manière physique. Auprès de toi. Mais le mieux, Allah a'lam, sortir d'une porte large, hein, c'est toujours mieux de sortir chaque année la zakat pour cette dette-là. Comme ils disent, huwa afdal li ibra'id dhimma, c'est mieux pour innocenter sa personne, car tu peux mourir en cours. Hein, tu peux mourir en cours, tu ne seras pas pris à défaut, mais c'est toujours mieux d'arriver yawm al-qiyama avec, alhamdoulilah, ce point, être déchargé de ce point-là. Il dit, wa in kana muta'adhira kad-dayni 'ala muflis. Et si jamais, donc il est impossible de récupérer cet argent. Il dit comme une dette, hein, comme une dette avec quelqu'un, donc un faillitaire. Le mouflis, c'est celui qui n'a rien. Il n'a pas de quoi te rembourser. Ou bien quelqu'un qui réfute que tu lui as prêté de l'argent. Hein, ces gens ne sont pas rares aujourd'hui. Tu lui prêtes de l'argent, un jour tu lui dis, rends-moi mon argent, il dit, tu ne m'as jamais rien donné. Et tu n'as pas de preuve. Tu n'as pas de document prouvant qu'il te doit de l'argent. Wal marsoubi est l'argent volé que tu ne peux pas récupérer. Waddal illadhi la yurja wujudu est aussi l'argent perdu, hein, dont tu n'espères plus un jour le retrouver. Tu as perdu de l'argent, ton portefeuille, il y avait une certaine somme d'argent dedans. Et après les recherches, tu désespères de le retrouver. Fala zakat fi. Tout cet argent-là, il n'y a pas de zakat. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est sorti. Donc de ta possession, il est sorti de ta possession El Milkutem, et il n'y a pas donc l'une des conditions qu'on avait citées dans le premier dars, qui est El Milkutem, la possession complète. C'est un argent qui n'est plus présent. Et lorsque tu le récupères, cet argent, lorsque tu le récupères, il y a 3 paroles des savants. La première, c'est que tu sors la zakat pour toutes les années qui sont passées, pendant lequel tu ne pouvais pas récupérer cet argent. Si le voleur avait cet argent-là pendant 5 ans, tu ne pouvais pas le récupérer. Il te le rend, tu sors 5 ans de zakat. Si jamais tu avais perdu de l'argent, tu le retrouves au bout de 5 ans, tu sors 5 ans de zakat, etc. Bon, cette parole, elle est faible, c'est clair. L'argent n'était pas présent dans tes mains. Donc, tu n'es pas responsable de sortir la zakat de cet argent qui n'était pas en ta présence pendant toutes ces années. Une deuxième parole, c'est une parole choisie par d'autres savants, tu sors une année de zakat. Lorsque tu les récupères, tu sors une année de zakat. Et la troisième parole, Allah alam, celle qui paraît le plus authentique, c'est que tu recommences à zéro. Le décompte donc d'une année. Il dit ensuite, wa hukmu sadaq et hukmu d'ayn. Wa hukmu sadaq et hukmu d'ayn. Et le statut de la dot, donc ça c'est l'argent que le mari donne à la femme, hein, pour contre lors du contrat de mariage, et il peut le donner avant, il peut donner pendant le contrat, et il peut le donner après. Il dit wa hukmu sadaq et hukmu d'ayn. Et le statut de la dot, c'est le statut de la dette. Donc qu'est-ce qu'il vise par cela? C'est par exemple une femme, donc qui s'est mariée avec un homme, et l'homme lui a dit je te donnerai la femme, ils se sont mis d'accord pour que As-Sadaq, la dot, soit donnée plus tard. Dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, ceci est permis. Donc ici, il y a plusieurs cas. Il y a le mari, donc qui est riche et qui peut donner As-Sadaq quand il veut. Donc ça, c'est de la part de la femme un prêt. Hein, c'est une forme de prêt à cet homme-là. Et c'est le même statut donc, que la dette avec quelqu'un donc, qui est dans la capacité de nous rendre notre argent. Donc ici, la femme, hein, ici, la femme, lorsqu'elle récupère son argent, qu'est-ce qu'elle doit faire, on a dit, dans le Madhab ? Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit sortir la zakat des années pendant lesquelles la dot était entre les mains du mari. Mais le mieux pour elle, c'est que elle sorte la zakat à chaque année. D'accord. Et si jamais la dot n'a pas été donnée par le mari, parce qu'il est mouflis, il n'a rien, hein, il s'était mis d'accord pour qu'il la donne dans une certaine période. Par exemple, dans trois mois, je vais te donner la dot. Et au bout de deux mois, il a perdu tout son argent et au troisième mois, il ne peut pas donner l'argent et il reste dans cette situation un an, deux ans ou autre. Et lorsqu'il redevient riche, il donne cet argent à sa femme. Ici, est-ce qu'elle doit sortir la zakat pour toutes les années ? Non, car c'était un argent qui n'était pas entre ses mains et qui dans tous les cas ne pouvait pas être présent physiquement dans ses mains. Donc à ce moment-là, c'est le cas de la dette qu'on avait dit, de l'argent qui est chez le voleur ou bien chez quelqu'un qui ne peut pas nous rembourser, etc. Lorsqu'elle récupérera sa dot, qu'est-ce qu'elle fera ? Elle recommence à compter le découlement d'une année. Elle reprend à zéro. Pareil, si jamais c'est quelqu'un qui, par avarice, ne veut pas lui donner, hein, ou bien qui réfute ou autre, tous ces cas-là sont le cas du second cas de la dette qu'on avait dit tout à l'heure. Lorsqu'elle récupère son argent, elle doit reprendre à zéro. Il dit « Wa hukmu s-sadaq hukmu d-dayn wa man kana alayhi daynun yastaghriqu an-nisab alladhi ma'ah aw yanqusuhu fala zakata alayhi fi » Il dit « Et celui wa man kana alayhi dayn » Donc là, ça veut dire quoi ?« Wa man kana alayhi daynun » Là, c'est lui qui a une dette, c'est lui qui doit de l'argent. « Wa man kana alayhi daynun yastaghriqu an-nisab » Et celui qui a une dette, qui est équivalente au nisab. Alladhi ma'a, donc qui est avec lui. C'est-à-dire, il peut avoir de l'argent équivalent pile au nisab ou au-dessus. Hein, ou au-dessus du nisab. Donc, disons que le nisab, il a 400 euros là, en ce moment de l'argent. Il a 400 euros ou plus. Hein, ou plus lui comme argent. Donc, il a 400 euros et il a une dette de 400 euros. Ou bien de plus de 400 euros. Ou bien il a 800 euros d'argent de côté. Et un an ont tourné sur cet argent-là. Mais il a une dette aussi, donc il doit de l'argent équivalent à tout cet argent qu'il a, ou bien ça fait diminuer cet argent-là de manière à ce qu'il lui reste, lorsqu'on enlève la dette, c'est inférieur au nisab. Donc dans tous les cas, ce que l'on retient, c'est que lorsque il prend l'argent qu'il a, son argent à lui, son capital, et qu'il retire ses dettes, il se retrouve avec un total inférieur au nisab. Au nisab d'argent, ou bien de l'or, mais pour nous, dans notre époque, là en ce moment et dans ce lieu-là, c'est le nisab d'argent. Il dit donc, celui qui a une dette, qui donc prend la totalité du nisab qui est avec lui, ou yan qusuhu, ou bien qui va même en deçà, fala zakat alayhi fi. Donc il ne doit pas sortir de zakat. Et ça, c'est ce qu'a choisi Ibn Qudama rahmatullah alayhi. Il y a d'autres paroles, et tout ça, ça relève de l'ijtihad. Il y a une autre parole qui dit, donc là, la première parole, pas de zakat. Pas de zakat. Et cette parole, quand elle dit pas de zakat, c'est-à-dire pas de zakat dans tout ce qu'on avait vu auparavant. Pas de zakat dans les sortants de la terre, pas de zakat dans les bestiaux, pas de zakat dans Arud al-Tijara, aussi ce que l'on va voir, Arud al-Tijara, ce que l'on va voir les marchandises. Ça, c'est une première parole. Une deuxième parole, c'est que ça n'a pas d'impact. Ad-Dayn, la dette, n'a pas d'impact. Et surtout, toutes les formes de richesse, toutes les formes de biens. Et les biens, il les divise en deux parties. Ils disent les biens intérieurs, al-amwalul batina, c'est-à-dire celles que ne voient pas les gens de manière générale. C'est l'argent, l'or, ton argent liquide, tes marchandises. Et al-amwalul zahira, c'est ce qui sort de la terre et les bestiaux. Donc il y en a qui disent que la dette, elle n'a pas d'impact sur aucune de ces catégories-là, ni sur les bestiaux, ni les sortants de la terre, et ni l'or, l'argent et les marchandises. Et d'autres disent que ça a un impact sur l'or, l'argent, les marchandises, l'or, l'argent et les marchandises, et pas sur les sortants de la terre et les bestiaux. Allah alam, pour choisir une parole plus forte qu'une autre, l'ilmu indallah reste sur celle de l'imam Ibn Qudama rahmatullah alayh. Les autres s'appuient, ceux qui disent que la dette n'a aucun impact, ils s'appuient sur le fait que le prophète alayhi salatu wasalam, quand il a envoyé As-Su'a, donc les personnes pour récupérer la zakat, et notamment As-Su'a s'est envoyé pour ce qui sort de la terre et les bestiaux, lorsqu'il a envoyé As-Su'a, ces gens-là ne demandaient pas donc aux personnes qui sont redevables de la zakat, est-ce que vous avez ou non des dettes. Donc ils récupéraient ce qu'il fallait récupérer comme chameau, comme mouton, etc., comme récolte, sans demander à la personne est-ce qu'elle a des dettes ou pas. Et de manière majoritaire, les gens avaient des dettes à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Les gens avaient toujours des dettes, c'est quelque chose qui n'était pas rare. Et pourtant, il n'y avait pas donc ce type de questionnement de la part de As-Su'a, les gens qui étaient responsables de récupérer As-Zakat. Donc Allah alam, on reste sur la parole de l'imam. Ad-Dayn, donc la dette, n'a pas d'impact, a un impact, pardon, Ad-Dayn, la dette, a un impact si jamais elle diminue les biens en deçà du nisab. Il dit ensuite, rahmatullah alayhi, babu zakat, il urud, donc la porte, le chapitre concernant la zakat des marchandises. Al-urud, le pluriel c'est al-arad avec une fatha sur le ra, ou bien al-ard avec un soukoun sur le ra. Comme a dit Cheikh Al-Uthaymeen dans son Sharh Al-Mumti', ça a été appelé Al-Urud parce que ça part et ça revient. On ne recherche pas par la marchandise en elle-même, mais ce qu'on le recherche, c'est sa valeur. C'est faire de l'argent derrière cette marchandise-là. Et c'est une marchandise qui part et qui revient. Chez la majorité, donc des savants, des salafs, rahmatullah alayhi, rahmatullah alayhim, chez la majorité écrasante, et même certains disent qu'il y a ijma', c'est que la zakat de la marchandise est obligatoire. Et il n'y a pas de parole claire chez les salafs, que ce soit les compagnons ou bien même ceux des premiers siècles, qui disent qu'il n'y a pas zakat dans urud at-tijara, dans les marchandises. Et parmi ceux qui sont connus, qui ont dit qu'il n'y a pas de zakat, c'est Daoud al-Zahiri, rahmatullah alayhi. Allah a'lam, cette parole, comme elle dit Al-Majd ibn Taymiyyah, le grand-père d'Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, c'est une parole qui est shadha, qui est singulière et qui est arrivée après que le consensus ne soit contracté. Donc il y a consensus sur le fait que la personne doit sortir la zakat de ses marchandises. Et la marchandise, c'est une forme de bien, c'est une forme de mel. Donc elle entre dans la généralité des versets sur lesquels on s'appuyait pour Al-Athman, pour les monnaies, les valeurs. خذ من أموالهم صدقة, prend de leur argent une aumône. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم, et dans leur argent un taux, une part connue, للسائل, pour le demandeur, والمحروم, et celui qui est privé. Aussi le hadith de Mu'adh radiyallahu anhu, et s'ils acceptent, c'est-à-dire la prière, informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire pour leurs riches une sadaqa, donc une aumône qui est prise de leurs riches et qui est rendue à leurs pauvres. Donc, al-urud, les marchandises entrent dans les biens de manière générale, et on a dit qu'il y a dans le Coran, la Sunna et al-ijma' une preuve qu'il est obligatoire de sortir al-zakat. Donc ça va prendre la place de la monnaie, le statut de la monnaie. Donc ça va être le seuil de l'or et de l'argent qui vont être pris en compte pour les marchandises, et lorsque l'on va sortir notre zakat, ce sera le même taux que pour l'or et l'argent et l'espèce, ça va être donc 2,5%. Donc il y a des conditions pour la marchandise que va nous citer l'imam Ibn Qudama rahmatullah alayh. On va s'arrêter à chacune de ces expressions. Il dit wala zakat fiha, et il n'y a pas de zakat. Donc la base, c'est qu'il n'y a pas zakat jusqu'à ce que les conditions soient réunies. Quelles sont-elles? Il va en citer trois. Wala zakat fiha, il n'y a pas de zakat dans les marchandises, hatta yanwiya biha at-tijara, jusqu'à ce qu'ils mettent l'intention de les vendre. Donc quand est-ce qu'on appelle tel bien comme étant une marchandise, quand est-ce qu'on le qualifie comme étant une marchandise, c'est lorsqu'on a l'intention de le vendre. Donc chez moi, ce que j'ai chez moi, hein, mais bien de manière générale, on avait dit qu'il n'y a pas de zakat dedans. Il n'y a pas de zakat dans mon mobilier, il n'y a pas de zakat dans mon véhicule, il n'y a pas de zakat dans mes vêtements. Hein, la base, c'est qu'il n'y a pas de zakat. C'est pour ça qu'il dit « wala zakat », il n'y a pas zakat, jusqu'à ce que la personne mette l'intention de vendre. Une fois que j'ai mis l'intention de vendre un bien, quel qu'il soit, il prend à ce moment-là le statut de « urud tijara », il devient alors une marchandise. Et an-niyah, il faut qu'elle soit jazima, il faut qu'elle soit tranchée. Si jamais je suis dans ce qu'on appelle at-taraddud, l'hésitation, hein, on revient à la base, et ce n'est pas une marchandise. Mais une fois que j'ai contracté de manière réelle que j'ai envie de vendre cette terre, cette maison, ces vêtements, ce véhicule, peu importe, quel que soit le bien, alors à ce moment-là, ça devient une marchandise, urud at-tijara. Il dit « wala zakata fiha hatta yanwiya biha at-tijara ». Il dit alors que donc cette marchandise, elle est atteinte le nisab. Ça, c'est la deuxième condition. Première condition, c'est avoir l'intention de la vendre. Deuxième condition, c'est que elle est atteinte donc le nisab. Quel nisab? Le nisab inférieur entre celui de l'or et de l'argent. Donc pour nous, en ce moment, c'est celui de l'argent. Donc une fois que j'ai envie de vendre un bien et que ce bien-là, a atteint le nisab inférieur entre l'or et l'argent, et que, troisième condition, il dit, haulan kamilan, et que une année s'écoule sur cette marchandise, alors à ce moment-là, je suis redevable de la zakat concernant cette marchandise-là. Trois conditions se rappellent. Première chose, que j'ai l'intention de le vendre. Si jamais je suis hésitant, il n'y a pas marchandise, et si jamais je veux pas le vendre, encore moins. Deuxième condition, c'est que la marchandise atteigne un nisab, le seuil de l'or ou de l'argent. Pour nous, c'est l'argent ici, en ce temps et lieu. Troisième condition, c'est qu'un an se soit écoulé sur cette marchandise. Donc si jamais cette marchandise-là repasse en dessous du nisab dans le courant de l'année, il n'y a pas... je reprends ensuite le décompte de l'année lorsque ça repasse au-dessus de la barre du nisab. Hein, lorsque ça repasse au niveau du nisab ou plus. Donc, on va dire que le nisab, il est à 400 euros ici. Donc, j'ai des marchandises d'une valeur de 700 euros que je mets à vendre. Et entre-temps, il passe à une valeur de 10 euros. Le marché a baissé et ça ne vaut plus rien. C'est quelque chose qui, à 10 euros, se vend. Même à 15, personne ne les achètera. Est-ce qu'à ce moment-là, je continue mon compte, mon décompte de l'année? Non, à ce moment-là, la condition qui est hawalan ou le haul, qui est le fait qu'une année s'écoule, cette condition-là, elle est perdue. Donc, si jamais je repasse ensuite au-dessus du seuil, eh ben, je reprends à zéro. Une fois que ça passe en dessous du nisab, ne serait-ce qu'un moment, eh ben, la condition de l'année de l'écoulement est éteinte. Donc, il dit ثُمَّ يُقَوِّمُهَا. Et ensuite, donc, il évalue cette marchandise. Une fois qu'une année s'est écoulée, il évalue cette marchandise-là. Donc, il regarde qu'est-ce qu'il a comme marchandise, et il évalue sa valeur si jamais il devait la vendre maintenant. Si tout devait se vendre maintenant, combien est-ce que ça vaut? Quelle est la valeur de cette marchandise-là? Et la valeur de cette marchandise dans le pays où il vit, hein, pas ailleurs, pas à l'étranger, hein, mais dans le pays où il vit. Et il sort ensuite combien? 2,5% de la valeur de cette marchandise-là. Et dans les marchandises, donc on évalue que ce qui est en mouvement. Pour quelqu'un qui a un magasin par exemple, hein, n'entre pas dans l'évaluation de la marchandise les murs d'abord, le magasin lui-même, les réfrigérateurs, les congélateurs par exemple, les outils qu'on utilise pour stocker comme les porte-palettes là, etc., les palettes, les chariots élévateurs, tout ça n'entre pas là-dedans. N'entre dans la marchandise que ce qui est vendu, ce qui sort pour être vendu, donc ce qui est en mouvement. Et si jamais cette marchandise là donc elle est vendue, cette marchandise qui a dépassé le nisab, elle est vendue, lorsque je l'ai vendue, j'ai récupéré de l'argent liquide. Cet argent liquide, ensuite je le réinvestis dans une autre marchandise. Cette marchandise, je la garde encore quelques temps et puis je la revends et je récupère de l'argent. Et parfois, je ne vends pas toute la marchandise. J'ai une marchandise qui vaut 1000 euros alors que le nisab il est à 400 euros. Je vais vendre 300 euros de marchandise et je vais récupérer, on va dire, 500 euros. Donc je me retrouve maintenant avec 500 euros et 700 euros de marchandises. Tout cet aller-retour d'argent, marchandises, marchandises, argent, etc., il prend source sur le début, hein, la marchandise qui avait dépassé le Nissab au début. Donc un an après le premier dépassement de Nissab par la marchandise, le fait que entre temps ce soit devenu de l'argent à part entière, ou bien un petit peu d'argent et un peu plus de marchandises, ou bien beaucoup plus d'argent et un peu moins de marchandises, etc., tout ça, ça ne compte pas, car urud al-tijara, en réalité, ça rentre aussi d'une certaine manière dans al-athman, les monnaies. C'est une valeur en réalité, et on ne cherche pas la marchandise pour elle-même, mais ce que l'on recherche en réalité, c'est ce qu'elle vaut en termes de valeur, d'argent. Quand je dis argent, c'est l'or français, c'est pas argent al-fidda, hein, argent euro pour nous ici. Donc il dit thumma yuqawwimuha, puis ensuite il évalue. Il dit فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب أو الفضة, et si elle atteint le nisab inférieur concernant l'or ou bien l'argent, أخرج الزكاة من قيمتها, il sort la zakat donc de sa valeur. Et ça c'est le madhhab. Je ne dois pas sortir de ma marchandise. Si je vends des vêtements, je ne sors pas des vêtements. Si je vends de la nourriture, je ne sors pas de la nourriture. Je dois sortir de l'argent, donc la valeur des 2,5% de cette marchandise-là. Sauf s'il y a vraiment une maslaha, un intérêt clair, et que le pauvre trouve un intérêt dans le fait que je lui donne de ma marchandise. Donc là, à ce moment-là, ce sera une exception. Mais là-bas, c'est de donner la valeur, car ensuite, le pauvre, avec la valeur, il peut donc combler ses besoins, ce qu'il ne pourra pas faire si jamais on lui donne de la marchandise. Donc on a dit qu'il devait sortir non pas de sa marchandise, mais de la valeur de sa marchandise. Il ne sort pas des vêtements s'il vend des vêtements, de la nourriture s'il vend de la nourriture, etc. Sauf si jamais il y a un réel intérêt pour le pauvre, et autre cas si jamais il n'a pas d'argent, hein, ce qui est possible. Il a sa marchandise et il n'a pas donc l'argent pour payer la valeur des 2,5% de sa marchandise. Donc à ce moment-là, il sortira de sa marchandise. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne charge une âme que ce qu'elle peut supporter. Et Allah dit aussi fattaqullaha mastata'tum. Et craignez Allah autant que vous le pouvez. Et là, ce qu'il peut faire, c'est sortir de la marchandise et non pas donc de l'argent, car il n'en a pas. Il dit ensuite rahmatullah alayhi wa in kana 'indahu dhahabun aw fidda. Et si jamais il a de l'or ou bien de l'argent. Donc il a de la marchandise, mais il a aussi de l'or ou bien de l'argent. Dammahuma ila qimati al-urud fi takmil an-nisab. Il va les ajouter donc à la valeur de sa marchandise. Il va ajouter cet or-là ou bien cet argent ou bien les deux à la valeur de sa marchandise pour terminer le nisab. Pour terminer le nisab. Mais en réalité, c'est il va ajouter la marchandise à l'or ou l'argent. Donc on va en faire qu'une espèce. S'il a de l'or, il a de l'or et de la marchandise qui donc n'atteint pas le nisab, et ni l'or n'atteint pas le nisab, alors il va donc évaluer cette marchandise qu'il a en or pour terminer le nisab, si jamais cette marchandise termine le nisab. Et si jamais il a de l'argent qui n'atteint pas le nisab, et cette marchandise-là, si elle est évaluée donc en argent, elle lui termine, lui complète le nisab, le seuil, alors il doit compléter le nisab. Car la marchandise, c'est en réalité une valeur. Donc lorsque tu auras de l'or, là tu vas l'évaluer en or pour compléter le nisab de l'or. Et si c'est de l'argent, tu l'évalueras en argent pour compléter nisab, le seuil de l'argent. Donc on revient à la zakat de al-athman, des monnaies qu'on avait vues auparavant. Quelqu'un qui a de la marchandise, qui n'atteint pas le nisab, et qui a de l'argent qui n'atteint pas le nisab, est-ce qu'il va les mettre ensemble ? Si, il va les mettre ensemble. Une fois que sa marchandise additionnée à l'argent qu'il a de côté atteigne le nisab de l'argent, à ce moment-là, il commence à décompter un an. La marchandise, en réalité, c'est comme de l'argent. C'est comme de l'argent. Toi, tu n'as pas acheté cette marchandise pour la garder. On a dit que ton intention, la première des conditions pour qualifier cela de marchandise, c'est que tu veuilles la vendre. Donc en réalité, qu'est-ce que tu cherches à travers cela ? C'est même pas non plus à racheter encore de la marchandise derrière. C'est toujours l'argent qui est entre les marchandises. L'objectif final, c'est toujours ça. C'est faire de l'argent. Donc, lorsque tu as de la marchandise qui n'atteint pas le nisab et de l'argent qui n'atteint pas le nisab, tu l'es. De l'argent, là, quand je dis argent, c'est de l'euro, là, dans ma phrase ici. tu les additionnes pour atteindre le nisab. D'accord ? Et de même, lorsque tu as de l'argent qui atteint le nisab, et tu as de la marchandise, qui n'atteint pas le nisab, à ce moment-là, ça entre, c'est greffé à l'argent liquide. Donc à ce moment-là, tu dois sortir 2,5% du total que tu as. Pour ça que un marchand, il a sa marchandise, il a ce qu'il a dans la caisse, et il a aussi son argent qu'il a en banque ou qu'il a chez lui. Donc tout ça, ça entre donc dans la même catégorie qui est en réalité l'ethmen. C'est pour ça que la majorité des raisonnements se trouvant dans ce chapitre-là de Urud al-Tijara, c'est en lien avec l'ethmen, l'or et l'argent. Car on n'a même pas de texte non plus ici pour Urud al-Tijara. C'est pour ça que certains ont réfuté cela, qu'il y a zakat concernant Urud al-Tijara, la marchandise. Mais la marchandise, c'est de l'argent en réalité. C'est de l'argent. Donc il dit wa in kana indahu dhahabun aw fidda, si jamais il a de l'or ou bien de l'argent, dammahuma ila qimati al-urud fi takmil an-nisab. Donc il les ajoute à la marchandise pour terminer le nisab. Wa idha nawa bi'ardi at-tijarati al-qunya. Et si jamais alors il émet l'intention de par sa marchandise désormais la possession, la propriété de simplement que ce soit à lui et non plus de vendre. Donc il annule là l'intention qu'il avait émise auparavant. Désormais il ne veut plus vendre. Il dit, ouais, ces vêtements-là qu'il avait mis en vente, il dit, ouais, tout compte fait, je vais les garder, je vais en donner un peu en sadaqa, je vais en garder pour moi, etc. Qu'est-ce qu'il dit ? Fala zakatafi. Quelqu'un qui a mis l'intention de vendre son véhicule, et après, il annule cette intention-là. Il dit, tout compte fait, je vais le garder, ça ne sert à rien que je le vende, c'est mieux pour moi que je le garde. Fala zakatafi. Il n'y a pas alors de zakat, donc dans ce bien-là. On ne dit plus dans cette marchandise, car ça a perdu la qualité de marchandise. Il dit ثم إنوا به بعد ذلك التجارة. Et si ensuite il réémet l'intention donc de la marchandise. استأنف له حولا. Alors il recommence une nouvelle année. Bon, on ouvre la parenthèse classique, c'est pas la peine d'essayer de tricher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala connaît nos intérieurs. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Chaque personne, les actes valent par leurs intentions, et chacun sera récompensé en fonction de ce qu'il aura eu l'intention de faire. Donc la personne qui essaie de tricher, ça ne marche pas. Donc ça, c'est de la tricherie, qu'Allah nous préserve de cela, et ce n'est pas permis. Naqifu huna, parce qu'après c'est zakat al-fitr. Donc je laisse pour la semaine prochaine, avec Inch'Allah, babu ikharaj al-zaka. Donc on s'arrête là, Allah a'lam, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.